Bonjour, chers auditeurs du 21e siècle. Ici les consciences de Capoué et Kawaimat. Pour vous présenter aujourd'hui un jeu à côté duquel vous êtes peut-être passé. Si tel est le cas, rien de grave. Mais jouez-y parce que ce podcast va spoiler grave du cul. Je parle de Nier Automata. Moi je préfère les manuels, j'ai du mal avec les automatiques. Bienvenue dans ce nouveau numéro des podcasts Quand on est geek. Comme vous l'avez entendu, nous allons aujourd'hui parler du jeu Nier Automata. Ce jeu est un action RPG sorti le 10 mars 2017 sur PlayStation 4 et est développé par Platinum Games. À la réalisation et au scénario, nous retrouvons la personne à l'origine de la série, Monsieur Yoko Taro, et la musique est composée par Keiichi Okabe. Le jeu est sorti dans une édition ultime et définitive le 26 février 2019 sous le sobriquet Game of the Yoha. Je laisse la parole à nos consciences du futur qui vont vous expliquer les prémices du scénario. Nous sommes à l'an, tu sais même plus tellement il y a les chiffres à l'écran et la date n'a finalement pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est très loin dans le turfu. Les humains ont fui la Terre, puisqu'une race extraterrestre a créé des robots méchants et capables de se reproduire à la chaîne. Cette race extraterrestre a disparu depuis longtemps maintenant, mais les robots sont eux. Toujours présent. Les humains se sont réfugiés sur une station lunaire pour y fonder une colonie en attendant de pouvoir revenir sur Terre. Des humains, des orbites, c'est pas une vie, mais c'est celle qui a été choisie. Afin de les aider dans leur combat éternel contre les robots, les humains ont fondé Yoha, une armée d'androïdes. Pas ton téléphone, hein. Des humanoïdes dotés de conscience, mais pas de sentiments. Ouais, en fait, c'est comme ton téléphone. That is why you, the Yoha forces, exist. To break this stalemate, once and for all, you are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Glory to mankind! Glory to mankind! Une armée d'androïdes, disais-je, envoyée sur Terre pour éradiquer la présence robotique. Le jeu commence alors que nous incarnons 2B, androïde de combat accompagné de 9S, androïde de reconnaissance. You're 2B, right? My name's 9S. Qui doivent prendre contact avec le camp de résistance sur place. I need you to head to the surface. Rendezvous with the resistance and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them. So we'll need you to look into that as well. Understood. Ici 9S. Dis-nous, ô commandeur, quelle est la raison de notre présence sur Terre? Ben voyons, pour faire des vidéos YouPorn. Pour quelle autre raison nous envoyer là-dessus, bande de cons? Bande de conserves. J'ai toujours dit qu'elle était pas normale, celle-là. Elle nous cache quelque chose. Bon bref, allons voir cette chef de corps de la résistance, cette fameuse Anémone. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on nous cache? On est là pour dézinguer du robot en petites pièces détachées, qu'on va s'amuser à remonter, pour en faire des petits machins avec lesquels on va... Hein? T'en penses quoi, Toubi? Hein? Ça va être chouette, hein? De casser du robot, hein? Calme-toi, 9S, ça va aller, hein? Doucement. Là, pose ta tête. Voilà. Tout doux. Comme je vous l'ai indiqué, la musique est composée par Keiichi Okabe et comporte des morceaux qui resteront dans vos mémoires pour longtemps. Ils sont pour la plupart chantés par Amy Evans et également Jenna Nicole. Les paroles sont un langage inventé, mélange de l'anglais, du japonais, du français, du gaélique et du portugais. En faisant quelques recherches, je suis aussi tombé sur une version exclusive en breton du morceau Weight of the World, qui malheureusement ne figure pas dans la version finale du jeu. Nous écoutons donc Weight of the Krampus. Chouchen Galette, Gwenadu Caper Mabro, Baragui, Kikafarsme Mestra, Mamgoudik Montmatara, Doudébrin Kerkrez Avouok, Penarbeg, Krempwes Gregachin, Brazizel, Aber, Avoréol, Gwelliou et Trek et Diek, Pignoubra, Troval, Birgelaweg, Lenegesreoneg, Olaweg, Guastelvreg. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Une fois que vous aurez fini le jeu une première fois, vous entendrez ce fameux morceau « Weight of the World » et une bande-annonce s'enclenche, vous présentant des événements qui n'ont pas eu lieu devant vos yeux. Il est alors clair qu'il faut lancer une nouvelle partie, faire un New Game Plus, qui s'avère être au final la seconde partie de votre jeu. Lors de cette seconde partie, un élément de scénario vous est révélé. Mais lequel ? Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai comme des sentiments qui grandissent en moi. T'es sûr que c'est pas les haricots du midi ? Spoiler alert. Spoiler alert. C'est quoi cette alerte ? T'inquiète, c'est un langage humain. J'ai une révélation à te faire qui va peut-être changer ta perception des choses et qui va sûrement remettre en cause ta quête. Et quelle belle quête pourtant ! Mankind no longer exists. Hey, tu sais, tes potes qui ont des sentiments là, les humains, eh ben ils sont tous crevés depuis des lustres, morts comme des glands, avec une maladie à la con qui a été décrite dans un jeu précédent auquel tu ne joueras jamais, Drakengard. Humans were already extinct when the aliens attacked. Une fois que vous aurez fini ce deuxième pan de votre scénario, une troisième histoire fait son apparition. Après avoir exterminé une première menace extraterrestre, 2B et 9S profitent d'un moment bien mérité pour se reposer, quand tout à coup les aliens utilisent un ancien système installé sur Terre pour envoyer un virus qui prend possession de tous les androïdes. 9S et 2B sont renvoyés sur Terre pour éradiquer le problème à la source. Mais le renvoi sur Terre ne se passe pas comme prévu. Nos deux compères sont séparés, et un troisième personnage croisé furtivement lors de votre toute première partie devient alors le protagoniste principal. L'androïde 2A, ancien modèle qui s'est rebellé contre ses créateurs, s'est mis en tête d'exterminer tout robot sur son chemin. Mais quelle bande d'abrutis congénitaux ! Ils se battent sans fin sans savoir que c'est une pure illusion. Il n'y a plus d'humains sur cette terre, plus que des androïdes et des robots qui se tapent les conserves. Moi je vais tout faire péter, il n'en restera plus un seul. Machines don't have souls. They're just murder bots with a fancy name. They killed so many of us. And I swore to make them pay. Bien que je vous ai spoilé quelques éléments essentiels du scénario, ce jeu en a bien plus à vous montrer. Au-delà de son histoire convenue, là où le jeu va réellement marquer sa différence, c'est dans son message philosophique et humaniste. Plutôt surprenant quand on sait qu'aucun humain n'est en vie dans cet univers. Il est intéressant de noter que l'ensemble des personnages non-androïdes que vous croiserez et qui façonnent l'histoire de ce jeu portent le nom de philosophes ayant tous travaillé sur les notions de la pensée, des sentiments, de l'humanité, de la liberté, de l'amour et bien plus encore. L'histoire la plus déchirante est probablement celle de Pascal, un robot qui a fondé un village pacifiste. Can't trust anything the machines say. I understand that you see us as the enemy, but... Well, anyway, my name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. Pascal est un personnage que vous suivez tout au long de votre aventure. Personnage pour lequel vous vous attacherez forcément. À de nombreuses reprises, vous aurez l'occasion de le détruire. Vos choix façonneront l'une des fins auxquelles vous pourrez assister parmi les 26 fins du jeu, 5 principales et 19 qui apparaîtront en fonction de vos choix et ou de vos échecs. Nier Automata est un jeu qui se définit comme un action RPG. Ce jeu est hybride, vous ne savez jamais quelle sera la prochaine séquence vers laquelle vous vous dirigez. Lors de votre première partie, vous aurez des séquences de combats au corps à corps, de shoot'em up et de combats de robots. Au fil du jeu, vous croiserez également des séquences de hacking, de plateformes, de courses et j'en passe. Nier Automata, c'est plusieurs jeux en un, ce qui le rend totalement unique. Vous l'aurez compris, je ne saurais qu'assez vous recommander de jouer à ce superbe jeu qui vous offrira bien plus qu'un simple divertissement. Ce jeu est unique, ce jeu est philosophique, ce jeu est tout simplement magnifique. Come to life.